Chapitre 5e. Sabal leva les bras au ciel en voyant revenir en voiture le maître qui avait laissé partir si fringant. Xavier avait pâli, mais sa pâleur ne lui m'essayait pas. « Tu ne vas pas me catéchiser pour m'apprendre que je suis mort, n'est-ce pas ?» lui dit le jeune homme. « Je me suis cassé une jambe, c'est très bien. Elle est remise, je ne boite pas, tout est pour le mieux. N'en parlons plus. » « Si au moins cela pouvait vous enseigner la prudence, » répliqua sans se troubler le fidèle serviteur. « Mais la prudence ne s'acquiert qu'avec l'âge. J'espère que tu vas me laisser tranquille. » Sava n'en dit pas plus long ce jour-là, mais pendant toute une semaine, il fit pleuvoir sur son jeune maître des allusions sentencieuses, parfois tirées de si loin qu'on eut peine à les comprendre. Xavier ne sourcilla pas. Il avait le don rare d'écouter sans entendre. Il était revenu depuis 8 jours environ et réveillé d'assez bon matin dans sa chambre close. Il se demandait comment d'ordinaire à quoi il pourrait bien consacrer ses aptitudes lorsqu'un bruit inaccoutumé dans la cour du château le tira de ses rêveries. Au moyen de sa canne à pomodore, il appela Sava qui entra, ouvrit les volets et se tint au milieu de la chambre, roide comme une pièce. Tout impassible qu'il semblait, son visage était plus ridé encore que de coutume. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Xavier. « Quelqu'un est-il venu me voir ? Il y a des nouvelles pour vous, mon jeune maître. Pas possible. De grandes nouvelles. Votre cousin, Vitchislav Sanitsky, vous a ordonné de vivre longtemps. » Xavier se redressa sur son lit et croisa les jambes suivant son habitude. « Pas possible. Il est mort ? » fit-il, traduisant ainsi la formule consacrée pour annoncer un décès. « Il a daigné mourir et par son testament, il vous a institué héritier de tous ses biens. » Xavier, du coup, décroisa ses jambes et s'assit comme tout le monde, ses pieds nus, fins et nerveux, appuyés sur la peau d'ours, rongés des mites qui lui servaient de descente de lit. « Tu rêves ? » dit-il à son domestique. « Je ne l'ai jamais vu. »« Qu'est-ce que ça fait ?» répondit philosophiquement Sava. « C'est vrai, » fit Xavier d'un ton pensif. « Ça ne fait rien. » Mais il y avait dans la maison toute une horde de parasites, menus parents, serviteurs et le reste. Qu'est-ce qu'il a fait de ce monde-là ? Il faut croire que ces personnes l'ennuyaient, répliqua Sava, car un peu avant de mourir, il a daigné tous les mettre à la porte. Pauvre homme, on aurait dit qu'il n'attendait que d'avoir rempli son devoir pour rendre l'âme. Que Dieu le reçoive dans le royaume des cieux. Amen, fit le comte Xavier, pendant que Sava se signait dévotement. Il resta fort sérieux pendant une demi-minute. La mort est toujours une chose grave, même aux yeux d'un garçon de 19 ans. Mais cette gravité ne fut pas de longue durée. « Sava, reprit-il tout à coup, tu es sûr de ne pas l'avoir rêvé ?»« Le messager est là, qui est venu convier votre excellence aux funérailles, » répondit le vieux domestique qui semblait taillé dans un billot de chêne, tant il était roide, immobile et couleur de temps. Xavier se dressa debout, déployant sa taille élégante et bien prise dans sa longue chemise de nuit en soie rouge du Caucase. « Mais alors, je suis riche, » fit-il avec étonnement. « Ce n'est pas trop tôt. » grommela Sava en ramassant la couverture. « Je suis riche, mon vieux Sava, tu comprends, nous sommes riches !» Il réfléchit un instant, puis d'un air convaincu, « Ce n'est pas possible. Vois-tu, on s'est trompé. Je ne peux pas être devenu riche comme ça tout d'un coup. Riche, la belle affaire !» grommela Sava. « Votre père l'était bien. Oui, il l'était, mais je ne le suis pas. Il y a longtemps qu'on n'est plus riche ici. Hé, Sava !» Le vieux domestique allait dire quelque chose, mais il se retint. « Ce messager, » fit Xavier, « où est-il ? Vite, amène-le. »« Vous allez d'abord vous habiller, » répliqua tranquillement le vieux. « Vous n'allez pas le recevoir pieds nus et en chemise, je présume. » Xavier jeta un coup d'œil sur son élégant vêtement de nuit. « C'est vrai, ce n'est pas assez d'œil. Allons, habille-moi. Et votre déjeuner, je n'ai pas faim. Tu me coupes l'appétit avec tes nouvelles aussi. » Un sourire grimaud passa sur le visage hérissé du bonhomme, qui se mit à la toilette de son jeune maître avec une dextérité bien étonnante chez un être aussi massif. En un quart d'heure, Xavier eut passé sous les guirres d'argent que tenait le vieillard au-dessus de sa tête pour laisser couler un filet d'eau toujours de la même épaisseur. Puis il fut rasé, brossé, pommadé et vêtu par son singulier valet de chambre. « Voilà, monsieur, » dit celui-ci quand le comte Xavier sortit de ses mains irréprochablement correctes. « Maintenant, vous allez vous rendre au grand salon où vous recevrez le messager. N'oubliez pas, quoique vous ne l'ayez jamais vu, et qu'il ne se soit souvenu de vous qu'à l'heure de paraître devant le Seigneur, que le défunt était un Stanitsky, et votre proche parent ayant été le cousin germain de feu votre père, le comte Abel. » Ainsi, dûment stylé, le comte Xavier se rendit dans le grand salon, vaste pièce meublée dans le même goût que la chambre à coucher et où une épinette antique rappelait seule l'idée des beaux-arts. Là, avec toutes les formes nécessaires, il fit comparaître devant lui le messager, apprit de sa bouche les tristes nouvelles, lui offrit le vin d'honneur et annonça qu'il partirait le jour même pour le château de Bella, où les funérailles devaient avoir lieu. Après quoi, le jeune héritier serait mis en possession de ses biens.